Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez me dire pourquoi vous marchez aujourd'hui ? Ah ben, je marche contre la réforme des retraites depuis déjà de nombreuses journées maintenant, puisque nous participons, mes amis et moi, et nous sommes un très grand nombre, à marcher régulièrement, au moins une ou deux fois par semaine, depuis début décembre, contre cette réforme, entre autres, et plutôt contre cette réforme en particulier, et plus généralement contre la politique menée par M. Macron et son gouvernement. Voilà ce que je peux dire. À chaque manifestation, à chaque appel national, nous sommes là, et pas seulement le samedi, parce que nous avons la chance, l'immense chance d'être retraités, et donc nous avons un peu de temps à consacrer, et par solidarité bien sûr, pour nos enfants, nos petits-enfants, et tous les gens qui méritent une retraite décente et digne, nous sommes là pour eux, voilà. Merci. Je vous en prie. Quel est votre prénom ? Martine. Merci Martine. Je vous en prie.